Jenny va avoir 30 ans, célibataire trop longtemps. Elle a plus le temps de perdre du temps, pas de mari, pas d'enfant. Jenny est indépendante, c'est pas l'argent qui lui manque. Elle veut un homme maintenant, elle veut aller de l'avant, mais c'est jamais facile. Elle peut voir dans les yeux de chaque homme qui la voit sans ses habits. Jenny a le physique, c'est ce qui empêche les autres de voir qu'elle se limite pas qu'à son physique. Ce qu'on dit sur elle, c'est des légendes. Elle sait très bien ce que disent les gens. Le genre de vieille femme qui se prend pour une dame mais qui ne sait pas cadenasser ses jambes. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Dans de sales histoires, pourtant c'est elle qui dit au gars, si tu comptes pas me revoir, au revoir. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Pourtant c'est elle qui dit au gars, si tu comptes pas me revoir, au revoir. À chaque fois qu'elle est sortie, la même routine, elle se fait accoster. C'est jamais de sa faute si elle l'attire, vaut soi-disant bébé. Jenny cherche un guerrier, un gars qui veut se marier pour la déshabiller. Un gars qui lui répéterait ça y est, maintenant que je suis arrivé, plus rien ne va t'arriver. Toujours le mariage d'une copine, à force n'est même plus drôle. Jenny veut se créer ses propres souvenirs en ayant le premier rôle. Jenny a beaucoup d'ego, elle donne jamais son numéro pour finir au télo. Ceux qui ont vu le bas de son dos se limitent à 2-3 salauds qui sont rentrés dans son cerveau. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Pourtant c'est elle qui dit au gars, si tu comptes pas me revoir, au revoir. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Pourtant c'est elle qui dit au gars, si tu comptes pas me revoir, au revoir. Je n'arrive pas à l'oublier. Jenny elle est bien trop belle, elle est bien trop bonne. Son physique me fait vaciller. Pour elle je n'ai pas ce que d'habitude tous les garçons donnent. Non pour elle j'ai pris la lune, emprunté le soleil, je les ai mis dans un sac Gucci. Mais Jenny ne veut pas la lune. Non Jenny veut un homme avec lequel elle n'aura pas de soucis. Je t'en prie Jenny ne pars pas. Aucune importance, rien à foutre, c'est une meuf mimi même. Pourtant je peux être le gilet pare-balles, le canon, la poudre, le couteau et les 9 mm. Le canon, la poudre, le couteau et le 9 mm. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Pourtant c'est elle qui dit au gars, si tu comptes pas me revoir, au revoir. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Toujours dans de sales histoires. Pourtant c'est elle qui dit au gars, si tu comptes pas me revoir, au revoir.